Ceci est un audio généré issu de l'article Haussmann et la destruction du Vieux Paris, Histoire, Complot et Vraie Ville Lumière, disponible sur le site conspiracte.com. Les sources utilisées sont disponibles sur le site. Bonne écoute à vous. Quand tu te balades sur les grands boulevards de Paris, tout a l'air parfait. Les façades dorées, les cafés, les perspectives. Ça brille, ça rassure, ça fait carte postale. Mais derrière cette image, il y a une autre histoire, beaucoup plus sombre, presque cachée sous les pavés. Cet article te propose de regarder la destruction du Vieux Paris comme une enquête. Une enquête entre progrès, stratégie politique, possible complot urbain et gros sacrifices humains. On va parler de Haussmann, de choléra, de révolution, d'argent, de manipulation. Et à la fin, on va surtout se demander, qu'est-ce qu'on peut apprendre de tout ça, aujourd'hui? Imagine, tu es sur un boulevard haussmannien, un soir d'été. Les pierres sont dorées, les balcons bien alignés, les lumières des vitrines se reflètent dans les vitres. Tu as l'impression d'être au milieu d'un décor de film. Et en fait, c'est presque ça. Paris telle qu'on la voit aujourd'hui, c'est une mise en scène. Une ville pensée pour impressionner, pour séduire, pour afficher la puissance d'un empire. Le géographe David Harvey décrit ce Paris comme une vitrine du capitalisme moderne, construite à coups de travaux gigantesques et d'expulsions massives, une référence à David Harvey. Derrière les grands boulevards, il y a un passé qu'on a littéralement rasé. Et c'est là que l'histoire devient vraiment intrigante. Parce que pour faire briller la ville lumière, il a fallu tuer une autre ville. Une ville médiévale, chaotique, dangereuse, mais bien réelle. Une ville sur laquelle, aujourd'hui, on marche sans même le savoir. 2. Sous les pavés, la boue et la peur. Avant les grands boulevards et les immeubles bien rangés, Paris, c'était presque un cauchemar vivant. Un labyrinthe de ruelles étroites, sombres, tordues. Les écrivains comme Balzac et Victor Hugo ont laissé des descriptions très dures de ces quartiers saturés de misère et de boue, analyse sur Haussmann et la modernité. Pas d'égout digne de ce nom, des déchets jetés par les fenêtres, une eau de la Seine tellement sale qu'elle rendait malade. En 1832, le choléra frappe violemment. Des dizaines de milliers de morts, des corps vidés en quelques heures. La peur s'installe partout, chez les pauvres comme dans la bourgeoisie qui, elle, observe ce monde depuis ses salons. Et ce n'est pas tout. Ces ruelles ne sont pas seulement un problème sanitaire. Elles sont aussi un piège politique. Lors des révolutions, elles deviennent des labyrinthes de barricades que l'armée ne peut pas contrôler, comme le montreront les événements de 1848. Pour le pouvoir, Paris n'est pas seulement sale. Paris est ingouvernable. 3. Haussmann, le casseur au service de l'Empire. C'est dans ce décor que débarque un personnage clé, Georges Eugène Haussmann. Ce n'est pas un poète, ce n'est pas un artiste. C'est un préfet, un fonctionnaire, un homme de dossiers et de décrets. Il vient de la haute bourgeoisie, il croit au travail, à l'ordre, à la fameuse ligne droite. Haussmann s'est fait les dents en province, en traçant des routes, en expropriant des terrains, en imposant des travaux sans trop demander l'avis des habitants. Il se fait remarquer par son efficacité et son absence totale de sensibilité pour le passé. Pour lui, une ruelle médiévale, ce n'est pas charmant. C'est insalubre. Quand Napoléon III, devenu empereur, rêve d'une nouvelle Rome moderne et brillante, il lui faut un homme capable de casser sans trembler. Il choisit Haussmann. Des auteurs comme David Harvey montrent bien ce duo, un empereur qui veut contourner les révolutions et un préfet prêt à découper la ville comme un chirurgien, au service du pouvoir. Haussmann obtient alors quelque chose de rare, des pouvoirs presque illimités pour transformer Paris. Expropriation facilitée, budget manipulé, dette massive. Sur le papier, c'est pour l'utilité publique. Dans les faits, c'est une véritable prise de contrôle de l'espace urbain. 4. Chirurgie urbaine, détruire pour régner. À partir de là, Paris se transforme en chantier permanent. Haussmann ne se contente pas de rénover. Il perce la ville. Il trace de grandes lignes droites sur les cartes, et tout ce qui est posé dessus doit disparaître. Quartiers entiers, églises, maisons médiévales, ruelles pleines de vie. Pendant près de 20 ans, la capitale devient un nuage de poussière. Des écrivains comme les frères Goncourt décrivent un paysage méconnaissable, une ville éventrée. Et Haussmann impose ses règles, hauteur des immeubles, alignement des façades, pierres claires, balcons filants. Il invente le fameux Paris haussmannien qu'on trouve aujourd'hui si romantique. Mais le vrai génie d'Haussmann ne se voit pas au premier coup d'œil. Il se cache sous terre. Il confie à l'ingénieur Eugène Delgrand la mission de créer un gigantesque réseau d'égouts et d'aqueducs, inspiré des Romains, pour donner à Paris une eau potable enfin fiable. Des travaux colossaux doublent la quantité d'eau disponible et multiplient les foyers alimentés en eau courante, histoire de l'eau de Paris, tandis que le réseau d'égouts est repensé et étendu sur des centaines de kilomètres, musée des égouts de Paris. Résultat, la ville respire mieux, boit une eau plus propre, évite de nouvelles catastrophes comme celle des grandes épidémies de choléra, ce que montre très bien le travail d'historien de l'urbanisme, étude sur les égouts et les sas urbains. Sur le plan sanitaire, Haussmann change vraiment la donne. Mais tout cela a un prix, humain et politique, énorme. 5. Complot ou stratégie froide? La ville contre le peuple. On pourrait se dire, d'accord, c'était violent, mais c'était pour la santé. Sauf que l'histoire ne s'arrête à là. Parce que ces grandes avenues ne servent pas seulement à faire circuler l'air et les marchandises. Elles servent aussi, très clairement, à faire circuler les armées. Les boulevards larges, c'est très pratique pour les canons, beaucoup moins pour les barricades. Plusieurs travaux, comme ceux de David Harvey ou de chercheurs sur l'urbanisme du Second Empire, insistent sur cette dimension de contrôle. En modifiant les stas, le pouvoir modifie directement les possibilités de révolte, dividing Paris, urban renewal and social inequality. Et là, la frontière entre urbanisme et stratégie politique devient très fine. Le philosophe Michel Foucault a beaucoup travaillé sur cette idée, l'espace n'est pas neutre. Qui est renforcé par cet espace, et qui est vulnérable, pourrait résumer sa façon de regarder les plans de ville, comme l'expliquent plusieurs analyses de son travail sur le pouvoir et l'urbanisme, Space, Knowledge and Power. Les grandes percées haussmanniennes peuvent alors se lire comme une forme de urbanisme de contrôle. Et bien sûr, il y a l'argent. Les travaux coûtent une fortune. La dette explose. Des adversaires politiques comme Jules Ferry dénoncent les comptes fantastiques d'Haussmann, accusés de jeux budgétaires, de spéculation et de favoritisme, comme le soulignent plusieurs études sur la période. Les terrains expropriés prennent une valeur folle. Certains amis semblent très bien informés. Pendant ce temps, plus de 350 000 personnes, surtout des ouvriers et des artisans, sont poussées hors du centre. Ils n'ont plus les moyens de vivre dans les nouveaux immeubles, trop chers. Ils sont rejetés vers la périphérie, dans des communes encore rurales ou mal intégrées. Des recherches sur la naissance de la ceinture rouge et des banlieues montrent comment ces travaux ont creusé une vraie fracture sociale autour de Paris, The Rise of a Paris Red Belt. Alors, complot? Tout dépend de ce qu'on met derrière ce mot. Ce qui est sûr, c'est qu'on a utilisé la peur de la maladie et du désordre pour justifier une refonte totale de la ville qui profitait d'abord aux classes aisées et aux régimes en place. 6. Sacrifier l'homme, garder le mythe. Ironie de l'histoire, l'homme qui a remodelé Paris devient ensuite un bouc émissaire. Quand l'empire de Napoléon III se fragilise, Haussmann commence à déranger. Sa dette, ses méthodes, sa puissance. Pour calmer les oppositions, l'empereur finit par le lâcher. En 1870, Haussmann est révoqué. Quelques mois plus tard, l'Empire tombe. Pendant la Commune de Paris, l'Hôtel de Ville, centre de son pouvoir, brûle. Avec lui, une grande partie de ses archives et de ses documents disparaît, comme le notent plusieurs historiens de l'urbanisme et du Second Empire, source, Haussmann, From Modernity to Revolution. On garde la ville, on efface l'homme. Haussmann tente de se défendre dans ses mémoires, en expliquant, facture après facture, qu'il a agi pour le bien de Paris. Il y écrit notamment une phrase qui ressemble à un aveu et à une justification, « J'ai été le chirurgien qui sauve le malade en n'hésitant pas à lui faire mal ». Cette phrase résume bien le dilemme, sauver une ville, mais à quel prix pour ceux qui y vivaient. Cet « héritage mondial », copier Paris, copier le problème. L'histoire ne s'arrête pas à Paris. Ce modèle de grande percée, d'alignement, de parc, d'infrastructures invisibles inspirent d'autres villes. Vienne, Bruxelles, Barcelone, New York et bien d'autres s'inspirent de cette manière de faire place nette fille de reconstruire, comme l'ont montré plusieurs études comparatives sur l'urbanisme moderne. Et avec ce modèle, on exporte aussi ces zones d'ombre, spéculation, ségrégation sociale, surveillance indirecte par la forme de la ville. Des travaux sur le lien entre urbanisme et pouvoir, influencés par Michel Foucault, montre comment le plan d'une ville peut devenir un outil silencieux de contrôle, Michel Foucault, Power and Planning. Ce n'est plus seulement de l'architecture. C'est une manière de décider qui a le droit de rester au centre et qui doit s'éloigner. Quand tu regardes ça aujourd'hui, tu vois que beaucoup de débats actuels sur la gentrification, la montée des loyers ou la disparition de certains quartiers populaires sont, en fait, des échos très lointains de ce qui s'est joué au temps d'Haussmann. 8. Une note positive, ce que cette histoire nous apprend. Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? On pourrait rester bloqué sur l'idée que tout est manipulation, que tout est complot. Mais on peut aussi choisir autre chose, apprendre à regarder nos villes autrement. Voir à la fois la beauté et les cicatrices. L'histoire d'Haussmann montre que le progrès n'est jamais neutre. Il peut sauver des vies avec des égouts et de l'eau potable, tout en détruisant des mondes, des quartiers, des mémoires. Comprendre ça, c'est déjà reprendre un peu de pouvoir sur le récit qu'on nous vend à travers les pierres et les boulevards. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on a la possibilité de faire différemment. On peut questionner les projets urbains, défendre la mémoire des quartiers, garder l'œil ouvert sur les dérives de la spéculation. Et on peut surtout refuser de se laisser fasciner uniquement par la surface brillante. Parce que chaque ville a son ancien monde enfoui. Et si on prend le temps de l'écouter, il peut encore nous apprendre à construire, cette fois, sans effacer autant. En levant les yeux sur les façades de Paris, tu peux continuer à admirer la lumière. Mais maintenant, tu sais aussi qu'elle vient d'une histoire complexe, parfois brutale, qui nous rappelle une chose essentielle, une ville, ce n'est pas seulement de la pierre. C'est une mémoire. Et cette mémoire, on peut choisir de ne plus la laisser disparaître en silence.